بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا 30 في دراسة كتاب الشيخ العلامة النجمي حفظه الله تعالى، المورد العذب الزلال. سي نوتخ 30e كور دون l'étude de ce livre de son éminence Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, intitulé « La source délicieuse et abondante dans la critique de certaines croyances et de certaines voies dans le da'wah ». فوقفنا عند الملاحظة العاشرة التي لاحظ الشيخ على الإخوان المفلسون. يقول الشيخ حفظه تعالى: ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني. فمن الأدلة الواضحة على ذلك أولا ما نقل في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ تحت عنوان في قضية فلسطين. تحدث محمود عبد الحليم، وهو من قادة حزب الإخوان، عن لجنة مشتركة أمريكية بريطانية جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين، وقد حضر البنا اجتماعا لها في مصر ممثلا عن الحركة الإسلامية، وألقى كلمة قال فيها ما نصه. والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية، إلا هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي، فأريد أن أوضحها باختصار. Et nous sommes arrivés à la 10e critique qu'a émis Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala en ce qui concerne l'Ikhwa al-Muslimoun, leur voix et le fondateur de ce groupe. Il dit pour la 10e critique la faiblesse de l'alliance et le désaveu dans la voix de l'Ikhwan. Et parmi les preuves claires pour tout ça, premièrement, ce qu'a écrit Mahmoud Abd al-Halim dans son livre l'Ikhwa al-Muslimoun, des événements qui ont fabriqué l'histoire, et un chapitre intitulé « Le sujet de la Palestine », et Mahmoud Abd al-Halim fait partie des têtes du parti d'Al-Ikhwan. Et il dit qu'il y avait à cette époque, à l'époque de la vie de Hassan al-Banna, une délégation américano-britannique qui s'est promenée à travers le monde arabe pour le sujet, pour le problème de la Palestine. Al-Banna a été alors à l'une de leurs réunions en Égypte, représentant l'activisme musulman, et il a fait un discours lors de cette rencontre. Et il dit dans son discours, l'aspect que je vais traiter est très simple. En ce qui concerne la religion, sauf que cet aspect, peut-être, le point que je vais relever, n'est pas compris dans le monde occidental. Et je veux en donner un éclaircissement très bref. فيقول رحمه الله أي حسن البنا فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Et donc, le Banna de dire, notre problème avec les juifs n'est pas un problème religieux. Car le Coran nous incite à les prendre comme amis, hein, et à les prendre comme alliés. Et l'islam est une législation humaine avant que ce soit une religion de race. Et il dit que le Coran a fait l'éloge des juifs. Et il a fait qu'il y a entre nous et les juifs un point commun. Et il a dit, et ne polémiquez pas avec les gens du livre qu'avec une bonne manière. Ni ne polémiquez pas avec les gens du livre qu'avec une bonne manière. Et il dit, Hassan al-Banna, comme وحسن البنا يقول كما ينقل الشيخ حفظه الله تعالى وحينما أراد القرآن يقول حسن البنا وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم Et Hassan ibn Adou continue de dire dans ce discours, et quand le Coran a voulu traiter le sujet juif, il l'a traité d'un point de vue économique et d'un point de vue des lois. Et il cite un verset où il est dit, par l'injustice des Juifs, nous leur avons interdit les choses qui sont bonnes, qu'auparavant étaient licites pour eux. فيقول الشيخ النجمي معلقا على هذه الفقرة إذا كان البنا يقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية فما هي؟ الشيخ النجمي au commentaire sur ce passage de Hassan ibn, il dit, si Hassan ibn maintenant dit que notre problème avec les juifs n'est pas religieux, alors c'est quoi notre problème avec les juifs? فيقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى أليس القرآن يقرر بأنها دينية ويخبر الله نبيه بأن اليهود والنصارى لا يرضون عن المسلمين إلا باتباع ملتهم ويحذر نبيه من اتباع ملتهم ويحذر نبيه من اتباع ملتهم بعدما جاءه الحق ويتوعد من اتبع ملتهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ما لك من الله من ولي ولا نصير وأما قوله إن القرآن حضنا على مصافة اليهود ومصادقتهم فهذه إن صحت عنه فهي فرية ما أعظمها وكيف لا تصح وقد ذكرها أتباعه معتزين بمثل هذه الأقوال ومفتخرين بها فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Et donc, Cheikh Najmi de nous dire, si Hassan al-Banna confirme et dit que notre problème avec les Juifs n'est pas religieux, donc où réside notre problème? Et il dit, حفظه الله تعالى, le Coran n'a-t-il pas confirmé, ne nous a-t-il pas annoncé, et il nous a annoncé de son messager alayhi salatu salam, que il a annoncé à son messager alayhi salatu salam que les juifs et les chrétiens n'agréeront pas les musulmans tant qu'ils ne suivent pas leur voie, c'est-à-dire tant que les musulmans ne suivent pas la voie des juifs et des chrétiens, ben ils ne les agréeront pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a averti son prophète et ses disciples de suivre la voie des juifs et des chrétiens après avoir eu la vérité, et il a émis des châtiments contre ceux. Il avertit que ceux qui suivent la voie des juifs et des chrétiens de la communauté de Mohammed a.s. Le verset dans Surat al-Baqarah nous dit « Et les juifs ne t'agréeront pas ainsi que les chrétiens jusqu'à ce que tu suives leur voie. » Dit que la voie dit la guidée d'Allah azzawajal, c'est la seule guidée. Et si tu suis leur passion après avoir connu, après avoir eu la science, tu n'auras aucun allié auprès d'Allah Azza wa Jal. Personne ne pourra te sauver auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Cheikh Najmi de nous dire, quant à la parole de Hazal ibn qui dit que le Coran nous incite et nous ordonne de les prendre comme alliés, comme amis, etc. Il dit ça, si c'est véridique, si c'est rapporté véridiquement de Hassan ibn, et il dit comment ça ne peut pas être véridique puisque ses disciples sont fiers de cette parole de Hassan al-Banna. Hein? Et il dit, si les véridiques du Hassan al-Banna, c'est un énorme mensonge. Et il dit, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Fa, hadi al-mulahada, al-mulahada al-ashira, taqriru anna mukhasamat al-muslimin lil-yahoud laysat diniya. Donc ce dixième critique de la part du Cheikh Najmi, hein, c'est quand concerne le fait que Hassan al-Banna dit que notre problème avec les juifs n'est pas un problème religieux. يقول الشيخ أبو مالك الجهني هذه الكلمة التي ألقاها البنا مرت معنا وأكد فيها أن خصومتنا لليهود ليست دينية لأن القرآن حض على مصافتهم ومصادقتهم والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية فقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقال لما أراد أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية حيث قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم هكذا قال البنا فكأنه ما يعرف القرآن وما سمع قول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وكأنه لم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فالذين قالوا هذه الكلمة هم اليهود وهم أعداء الأنبياء وأعداء الله عز وجل والله سبحانه وتعالى ذكر أشياء كثيرة عن اليهود. Et cette parole et cet exposé qu'avait et ces paroles qu'avait dites Hassan al-Banna lors de cette réunion, lors de cette rencontre avec ces délégations britanniques américaines, il est déjà passé avec nous dans les premiers passages de ce livre. Hein? Et dans ce passage, dans ce discours, Hassan al-Banna dit que notre problème avec les juifs n'est pas religieux. Il dit que le Coran nous incite, nous ordonne de fait de les prendre comme alliés, comme amis. Il dit que l'islam c'est une législation humaine avant que ce soit une législation, une religion de race. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge. Il a fait que nous avons des points en commun avec eux. Il a cité le verset « Ne polémiquez pas avec les gens du livre qu'on de la meilleure des façons ». Et il a dit quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu traiter le sujet juif, il l'a traité d'un point de vue économique et au niveau des lois. Et il a dit, par l'injustice des juifs, nous leur avons interdit ce qui était bon pour eux et ce qui était licite pour eux pour avant. Comme ça, il a dit le Banna. Comme si le Banna ne connaissait pas le Coran. Et comme si le Banna n'a pas entendu la parole d'Allah, Azza wa Jal, qui dit, les Yahoud ont dit que la main d'Allah est serrée. C'est-à-dire par là qu'il est avare, qu'Allah est avare. Et comme si le Banna n'a pas entendu ou n'a pas lu la parole d'Allah Azza wa Jal, hein, qui disait Allah a entendu la parole de ceux qui ont dit qu'Allah est pauvre et nous sommes riches. Et ceux qui ont dit ces paroles, ce sont les juifs, les ennemis des prophètes alayhi salatu salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran beaucoup de choses en ce qui concerne, hein, les juifs. Fallahu al-musta'an. Taniyan. سعيه أي سعي البنا وجميع أتباعه في التقريب بين الشيعة مع ما عندهم من البلايا المكفرة والمفسقة وبين أهل السنة وزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون. Parenthèse, ces paroles de Hassan al-Banna disent que notre problème avec les juifs c'est pas un problème religieux. C'est la même parole de Yusuf al-Qardawi, la même chose. Yusuf al-Qardawi a dit la même chose. Il dit la même chose, il continue de dire la même chose. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى سعيه وجميع أي سعي حسن البنا وجميع أتباعه في التقريب بين الشيعة مع ما عندهم من البلايا المكفرة والمفسقة وبين أهل السنة وزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون. Aussi, comme quoi le point, l'alliance, il désaveu, c'est quelque chose qui est négligé par les ikhwa muslimoun, c'est que Hassan al-Banna faisait tous ses efforts ainsi que ses disciples pour le rapprochement entre eux, Shia et les hommes de la Sunna et les musulmans de la Sunna, alors que chez Shia il y a des innovations qui sont du domaine de la mécréance et du domaine de la perversité. Et les Ikhwal Muflisun prétendent que Shia et la Sunna sont tous, et les gens de la Sunna sont tous musulmans. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وأقول أيكون مسلما من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأبشع السب وأقذره وأقذعه. الشيخ النجمي de dire donc, en imitant cette critique autour de cette parole, il dit est-ce qu'il sera musulman, est-ce qu'il est musulman celui qui insulte Abu Bakr et Omar que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et qui les cite avec des plus vils noms par des plus vils noms et par qu'il est décrit de la pire des descriptions. Wa yaqulu hafidhahu Allah ayakunu musliman man sabba umm al-mu'minin Aisha bint Abi Bakr as-Siddiqa bint as-Siddiq al-mubarra'a min fawq sab'a samawat radiyallahu anha wa an abiha wa ramaha bil fahisha ba'da an barra'aha Allah fi kitabihi wa kadhaba al-Qur'an fi tabri'atihi laha. Il dit aussi, Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Najmi, est-ce qu'il va être musulman celui qui insulte la mère des croyants, Aisha, la fille d'Abu Bakr Siddiq, la véridique, fille du véridique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté avec un Coran qui se lit jusqu'à la fin des temps. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté Aisha, mais Rafida et Shia continuent de la traiter de la chose de laquelle elle est innocente, que Allah subhanahu wa ta'ala est innocente. Et en agissant ainsi, ils sont en train de faire quoi? De rendre mensongère le Coran et les versets qui sont descendus pour innocenter Aisha radiallahu ta'ala. كذلك يقول الشيخ النجمي حفظه الله أيكون مسلما من يحكم على جميع الصحابة بالردة عن الإسلام إلا نفرا قليلين ويزعم أنهم كفروا بسحبهم الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم واتفاقهم على ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة وهم خير أمته وأفضلهم وقدوتهم أفيعقل أن يجتمعوا كلهم على ضلالة. الشيخ النجمي de nous dire est-ce que il est musulman celui qui émet la sentence comme quoi tous les compagnons ont apostasie de l'islam sauf un nombre minime. Là, dans certaines versions, c'est 3, dans d'autres, c'est 5. 5 compagnons qui n'ont pas apostasié, tout simplement, pour le Rafida. Et le Rafida prétend que tous les compagnons sont mécréants, sauf un nombre minime. Hein? Pourquoi? Parce que ils ont pris la khilafa de Ali, radiallahu ta'ala, anwarda. Et qu'ils sont unanimes à se polluer la khilafa et à prendre la khilafa de Ali radiallahu ta'ala anhu arda. Et alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ma communauté ne se réunit pas sur l'égarement, et eux les compagnons de Muhammad alayhi wa sallam sont les meilleurs de cette communauté et les plus nobles de cette communauté, ils sont les exemples et le modèle à suivre pour cette communauté. Est-ce qu'il est pensable que ces meilleurs de la communauté se réunissent sur l'égarement? ويقول الشيخ النجمي رحمة الله حفظه الله ورحمه أيكون مسلما من يدعي العصمة لعلي بن أبي طالب وبنيه الاثني عشر مع أن العصمة لم تثبت لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله ما ادعاها علي لنفسه ولا ادعاها الحسن ولا الحسين ولا أحد من أبنائهم الغر الميامن الذين ادعيت لهم. Il dit حفظه الله تعالى est-ce qu'il est musulman celui qui prétend que Ali est épargné de l'erreur, il ne commet pas d'erreur. Ali et ses 12 enfants qui sont les 12 imams, d'Al Rafida, ils croient en ces imams, en ces 12 imams et en Ali radiallahu anhu comme quoi ils font pas d'erreur. Hein? Alors que le seul homme qui ne fait pas d'erreur, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et par Allah, dit Cheikh Najm Hafidhahullah, Ali n'est pas prétendu qu'il ne commet pas d'erreur. Et Hassan et Hussein ne l'ont pas prétendu. Et aucun enfant de Hassan et de Hussein, ni de leur descendance, a prétendu qu'ils ne tombent pas dans l'erreur et qu'ils ne font pas d'erreur. ويقول حفظه الله تعالى أيكون مسلما من عبد بعد المخلوقين أحياء وأمواتا ودعاهم عند الشدائد من عبد بعض المخلوقين أحياء وأمواتا ودعاهم عند الشدائد وتطوف بقبورهم وزعم أن الحج إلى كربلاء يعدل الحج إلى بيت الله الحرام. الشيخ نجم دي نو دير est-ce qu'il est musulman maintenant celui qui adore certaines créatures vivantes ou certaines créatures mortes et qui leur demandent des choses et quand il est dans les difficultés, il se tourne vers eux et qui tourne autour, qui fait tawaf autour de leur tombe, hein, et qui prétend que le hajj à Karbala équivaut le hajj à la Mecque. Est-ce qu'il est musulman celui-là ? ويقول حفظه الله تعالى يكون مسلما من يعبد أبناءه للمخلوق فيسميهم بعبد الحسين وعبد الكاظم وعبد الزهراء وما أشبه ذلك. Il dit, est-ce qu'il est musulman celui qui appelle ses enfants ainsi, عبد الحسين, il le fait serviteur de الحسين, serviteur de الزهراء, عبد الكاظم, et ainsi de suite. ويقول حفظه الله تعالى أَيَكُونُ مُسْلِمًا مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ جِبْرِيلَ خَانَ فَذَهَبَ بِالرِّسَالَةِ إِلَى مُحَمَّدٍ وَكَانَتِ الرِّسَالَةُ إِلَى عَلِيٍّ فَعَدَلَ بِهَا عَنْهُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ لَوَازِمُ كُفْرِيَةٍ. Il dit, حفظه الله تعالى, est-ce qu'il est musulman, celui qui croit que Jibril a trahi, et au lieu de donner le message à Ali, رضي الله تعالى, il l'a donné à Muhammad, عليه الصلاة والسلام. Et ça, ça implique de la mécréance. فتخوين الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وذلك تكذيب لله في خبره وهو الكفر بعينه. Premièrement, ça implique de rendre Jibril, qui est l'ange de confiance par excellence, de le rendre traître, hein? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit en étant l'Amin, étant le digne de confiance, hein? Et c'est aussi démentir la parole d'Allah Azza wa Jal, prendre comme mensongère la parole d'Allah Azza wa Jal, et ça c'est la mécréance elle-même. Le fait de rendre, hein, mensonge la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est la mécréance même. ويلزم كذلك من ذلك نفي علم الغيب عن الله تعالى وأنه يمكن أن يخان من الوراء وهو لا يعلم كما يخان المخلوق وهو لا يعلم وهذا كفر بإجماع المسلمين. Cela aussi, en disant que Jibril s'est trompé, cela implique aussi que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas l'invisible, que on peut trahir le destin de Allah, zaujer l'invisible de derrière, comme on le fait pour quelqu'un d'autre qu'une créature. Ils vont faire ce qu'on veut de derrière son dos. Et ça, c'est la mécréance. À l'unanimité des musulmans, c'est de la mécréance de croire ceci en Allah Azza wa Jal. Parce que le fait de croire que Jibril a trahi, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas à quel message il doit être donné. وَيَلْزَمْ مِنْهُ أَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَتَقَدَّسْ لَا يَعْرِفُ الْمَصْلَحَةَ وأن جبريل كان عرف بالمصلحة من حين وجه بالرسالة إلى ابن 8 سنوات فعدل بها جبريل إلى ابن 40 وفي ذلك تجهيل لله عز وجل ونفي للحكمة عنه وهذا أعظم الكفر. Cela implique aussi que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas l'intérêt, il ne connaît pas le bien de l'humanité que Jibril le connaît, hein? Et que Jibril connaît mieux l'intérêt de l'humanité qu'Allah azza wa jal, hein? Quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a orienté pour donner le message à un enfant de 8 ans, Jibril Talil l'a donné à un homme de 40 ans. Hein? Et cela implique qu'il décrive Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi il est ignorant. Et ça, c'est la plus grande et la plus énorme des mécréances. Et ça implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce qu'il fait. Et qu'il n'a pas la sagesse, qu'il ne met pas les choses à leur place. A'oudhu billah. كذلك يقول الشيخ حفظه الله تعالى يكون مسلما من يعتقد أن القيامة هي إحياء أعداء آل محمد صلى الله عليه وسلم عند خروج المهدي المنتظر والاقتصاص لآل محمد منهم عند ذلك ويزعم أن أول من يقتص منه هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الشيخ de nous dire aussi, est-ce que il va être musulman, il est musulman celui qui croit que la résurrection c'est le fait de faire vivre les ennemis, de faire ressusciter les ennemis de la famille de Mohammed alayhi salam au moment où le Mehdi va sortir et de régler leur compte et de le châtier, hein? de les châtier par vengeance pour la famille de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il prétend que les premiers qui vont être châtiés, ce sera Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhum. Hada, c'est la voix des Rafida. Et les gens, ils s'enthousiasment. Hezbollah tape, envoie un missile par-ci ou par-là sur les juifs ou autres. Et Hezbollah, c'est des hommes. Subhanallah. Où là, le président d'Iran, il gueule, tatati les juifs, tatata, batati, batata. Tout le monde s'enthousiasme, ça c'est les hommes. Là, yakhal islam. Le plus grand des ennemis, pour eux, c'est toi et moi. C'est les gens de la sunna. Il faut revenir à cette réalité. Il faut connaître son dogme. Il faut connaître la voie sûre, qui est le réel et qui est le faux. Voilà, ils n'ont d'autres ennemis que les sunnites. كذلك يقول حفظه الله تعالى يكون مسلما من يزعم أن المهدي المنتظر إذا خرج سيحقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذه مقالة الخميني التي صرح بها في كتابه. Est-ce qu'il est musulman celui qui prétend que le Mahdi, le Muntadhar, Mahdi qu'on attend, quand il va sortir, il va faire mieux que Mohammed عليه الصلاة والسلام, il va accomplir les choses que Mohammed عليه الصلاة والسلام n'a pas accomplies, et ça c'est la parole directement de qui? De l'Khomeini. Et c'est un écrit des propres mains de Khomeini dans ses livres. كذلك يقول حفظه الله تعالى أيكون مسلما من يبيح الزنا متمثلا ممثلا في نكاح المتعة إذ أنه إذا أبيح فلا فرق بين نكاح ليلة أو ليال معدودة أو شهر أو أقل أو أكثر وهذا هو عين الزنا. Est-ce que les musulmans, celui qui rend maintenant zina licite, en le déguisant avec quoi? Le mariage du plaisir. Que ce soit pour une nuit, ou là pour un jour, ou là pour un mois, pour là trois mois, etc. Et ça, c'est zina directement, c'est l'adultère, directement. وأخيرا يقول الشيخ حفظه الله تعالى أيكون مسلما من فيه هذه البلاوي كلها وما هو أكثر منها. Et le Cheikh de nous dire, est-ce qu'il est musulman celui dans lequel se trouvent toutes ces catastrophes et toutes ces énormités, et plus que ça encore? وهل يمكن التقريب بين هؤلاء وبين أهل السنة؟ الشيخ يقول maintenant, est-ce qu'il est possible de rallier ces deux, les gens de la Sunna et Shia? Est-ce qu'on peut les rallier? Est-ce qu'on peut les réunir? وهل سيحصل تقارب بين أهل العقائد المتناقضة دون أن يتنازل أحد الفريقين أو كلا الفريقين عن شيء مما هو من صميم عقيدته؟ Est-ce qu'il est possible qu'il peut y avoir une union entre eux sans que l'un des deux côtés, une union entre des gens qui ont des croyances contradictoires, sans que l'un des groupes ne laisse tomber, ne ferme les yeux sur certaines croyances et laisse tomber certaines de ces croyances. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى فهل تنازلت الرافضة عن عقائدها التي هي عليها من أكثر من ألف سنة أو حتى عن بعضها حتى ما لا يكون هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله. Et Cheikh de nous dire, de poser cette question. Est-ce qu'au Rafida, on délaissé certaines fausses croyances sur lesquelles ils sont depuis plus de 1000 ans maintenant? Ah, il a dit, ça n'existe pas, et ça n'existera que si Allah subhanahu wa ta'ala il le veut. وَهَلْ يُمْكِنُوا أَنْ يَتَنَازَلَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَنْ بَعْضِ عَقَائِدِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَّفِقُوا مَعَ الرَّافِضَةِ هَذَا مَا لَا يَكُونُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَإِنَّ مَنْ يَتَخَيَّلُ ذَلِكَ يَتَخَيَّلُ سَرَابًا لَا مَاءَ فِيهِ وَظُنُونًا لَا حَقِيقَةَ لَهَا وَإِنَّ السَّعْيَ إِلَى التَّقْرِيبِ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْبَنَّاءِ فِي حَيَاتِهِ بَلْ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ أَتْبَاعُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَقَدْ أَرْسَلَ الْإِخْوَانِيُّونَ وَفْدًا إِلَى الْخُمَيْنِ أَيَّامَ ثَوْرَتِهِ يُهَنِّئُونَهُ بِالثَّوْرَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ كَمَا زَعَمُوا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Et Cheikh de nous poser cette question, est-ce qu'il est possible que maintenant les gens de la Sunna délaissent certains de leurs croyances pour se mettre d'accord avec le Rafida? Ça ne peut pas exister, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et celui qui croit à ça, il croit à un mirage. Il croit que c'est de l'homme et une réalité sunnite qu'un mirage. Et celui qui accourt vers le rapprochement, il accourt vers un mirage. Lui qui accourt vers le rapprochement entre sunna et shia, il accourt vers un mirage. Hein? Et le fait d'œuvrer dans ce sens, le rapprochement des shia et des gens de la sunna, cela ne concerne pas tout simplement Hassan al-Banna, ses disciples aussi. Et beaucoup parmi les grands, durant sa vie, lui, il l'a fait, et ses disciples, et parmi les grands leaders, les Khwal Muflisun, ont continué à le faire. point que quand il y a eu l'avènement d'Yal Khomeini sur la république soi-disant islamique, la république Rafidite, il y a des délégations d'Ikhwan qui sont partis le féliciter, qui lui ont envoyé des télégrammes, etc., de félicitations. Et Allah, nous revenons. Et aussi, l'une des têtes d'Yal Ikhwan qui est sur le Qardaou, il appelle aussi à ce rapprochement. Et il a des amis, il dit des amis savants parmi les chiites, etc., etc. وقد نقل في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف من يسمى عز الدين إبراهيم قوله وقبل أن نترك الأزهر نستمع إلى الفتوى التي أصدرها بخصوص المذهب الشيعي جاء فيها نص الفتوى أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابع لمذهب معين أو مقصورة على مذهب فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. Écoutez maintenant la grande catastrophe. Il a été rapporté dans le livre de celui qu'on appelle Azdin Ibrahim, position des savants musulmans vis-à-vis de Shia et la révolution islamique. Et avant de laisser l'Azhar, nous allons écouter cette fatwa que l'Azhar a émise en ce qui concerne la voie chiite. Et c'est ce verdict et cette fatwa dit que la voie Ja'farite, qu'on connaît, celle qui représente la voix des Shia qui croient en 12 imams qui sont représentés par l'état de l'Iran, que c'est une voix qui les permet avec d'adorer Allah Azza wa Jal comme toutes les autres voix, toutes les autres écoles de jurisprudence. Il l'a mis à pied d'égalité comme au même pied d'égalité que les autres écoles, hein, de jurisprudence qui sont le Malikiya, le Shafi'iya, le Hanbaliya, etc. Ainsi, le Hanafiya. Et il dit, il est permis. Et que les musulmans doivent savoir, ils doivent se débarrasser de leur sectarisme sans justice et qu'ils ne soient pas sectaires à une voix. Et il dit, la religion d'Allah, Azza wa Jal, ne suit pas une voix particulière. Et il dit, toutes ces voies-là, ce sont des voies de l'effort, et on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec, ils sont acceptés chez Allah azza wa jal, et il met avec la voie d'Yel Rafida dedans. فهذه فتوى صدرت من رجل لا يعرف المذهب الرافضي حق المعرفة. فهذه فتوى صدرت من رجل لا يعرف المذهب الرافضي حق المعرفة فلو تركنا هذه العقائد الضالة الباطلة التي أخذها الرافضة عن اليهود ونظرنا فقط إلى صلاة الرافضة أول ما يواجهنا أن وضوءهم باطل لأنهم لا يغسلون أقدامهم فهم يمسحونها فقط والرسول يقول ويل للعقاب من النار إذن فمن توضى ولم يغسل أقدامه فوضوءه ليس بصحيح وإذا كان الوضوء باطلا فالصلاة باطلة إذن أعظم ركن عملي باطل عند الرافضة فماذا بقي لهم إذن كيف يقال التعبد بالمذهب الرافضي جائز شرعا فهذا جهل بما عليه الرافضة. Cette fatwa qui émane de l'Azhar est une fatwa de quelqu'un qui ne connaît pas la voix de الرافضة, qui ne connaît pas la réalité de la voie d'Irrafd. Car si on les garde de côté les croyances fausses qu'ils ont, que Rafid ont pris des juifs, on regarde juste leur prière. La prière d'Irrafd, la première chose à laquelle on est exposé dans la prière d'Irrafd, c'est qu'ils ne lavent pas leurs pieds. Leurs pieds nus, ils les essuient tout simplement, dans l'eau d'eau. Donc, s'ils ne lavent pas leurs pieds, ils n'ont pas d'eau. Donc, leur prière, elle est fausse. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur aux talons du feu de l'enfer. Juste une partie qui n'a pas été touchée de l'eau, malheur à cette personne. Hein? Alors qu'en est-il de ceux qui ne lavent pas leurs pieds et qui les essuient tout simplement? Leur prière, là, le plus important acte qui s'accomplit, et le plus important pilier de l'islam après l'attestation de foi, ben il est nul chez Rafida. Donc comment on peut adorer Allah Azza wa Jal par le Midab Rafidi? Comment on peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par le Midab Rafidi? Ça c'est une ignorance de la voie sur laquelle était Rafida. فإن كان يعلم فإن كان الذي أصدر الفتوى يعلم معالي الرافضة ومع ذلك يجيز التعبد بمذاهبهم فهذا خطير جدا نعوذ بالله كيف يتعبد لله بالباطل ولكن نحسن الظن بهذا الرجل ونقول أنه يجهل مذهب الرافضة وما هم عليه سي سي توم ولا سي ديليغاسيون كي ايمي سيت فتوى ها نو كوني با الرافضة et qu'ils disent qu'il est permis d'adorer Allah Azza wa Jal avec la voix d'Al Rafida, ceci est très dangereux. S'ils connaissent la voix sur laquelle était Al Rafida et qu'ils permettent d'adorer Allah Azza wa Jal avec leur voix, ceci est très dangereux. Comment on peut adorer Allah Azza wa Jal avec le faux, avec le blâmable, hein? Mais ayons une bonne suspicion sur ceux qui ont fait cette fatwa, on dit qu'ils ne connaissent pas la voix d'Al Rafida et la voix sur laquelle ils sont. فأنت ترى أخ الإسلام أعظم ركن في الإسلام بعد التوحيد عند الرافضة باطل وإذا ذهبنا نبحث في العقائد فالشركيات والطوام فصلاة الرافضة باطلة لأنهم لا يغسلون أقدامهم في الوضوء ورسولنا يقول إن الله لا يقبل صلاة بدون طهور والرافضة وضوءهم باطل وصلاتهم باطلة فدينهم باطل فإذا بطلت الصلاة بطل حجهم وصومهم لأن الصلاة عماد الدين فإذا صحت صحت سائر الأعمال إذن على حساب هذه الفتوى إذا توضأ رجل وضوء الرافضة هل يقال له بأن صلاتك صحيحة؟ فهذا خرق للإجماع ومخالفة للكتاب وصحيح السنة فالله المستعان en islam le plus important des piliers en islam après l'attestation de foi, Sharrafida, il est nul, et non avenant. Et si on va chercher dans les croyances, vas-y, va chercher l'associationnisme qu'il y a, les catastrophes qu'il y a dans les croyances. La prière d'Irrafida, il est nul, et non avenante, car il ne se lave pas les pieds dans l'eau d'eau. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une prière sans purification. Rafida, le roudou, il est non avenant. Donc leur prière est non avenante. Donc leur religion est fausse et non avenante. Et quand la prière est non avenante, le hajj aussi est non avenant, le pèlerinage est non avenant, le jeûne est non avenant, car la prière c'est la colonne vertébrale de la religion. Et quand il est avenante, bah, toute la religion, tous les actes sont avenants après. En prenant, si on prend cette fatwa, donc ça veut dire que quelqu'un qui a fait l'odo comme l'odo d'Al Rafida, est-ce qu'on peut dire que sa prière est avenante? Ça, c'est aussi casser et sortir du consensus de la communauté des hommes de science. Et c'est aussi une divergence avec le livre d'Allah, Azzawajal, et l'authentique de la sunna de Mohammed, alayhi salam. Wa yastaghillu hadhihi al-fatwa allati sadarat min Sheikh al-Azhar sabiqan Mohammed Shaltout. Yastaghillu al-Sheikh Mohammed al-Ghazali, أحد المؤلفين والمنظرين في المذهب الإخواني فيقول في كتابه دفاع العقيدة الإسلامية ضد مطاعن المستشرقين جاءني رجل من العوام مغضبا يتساءل كيف أصدر الشيخ الأزهر فتوى بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروفة cette fatwa qui émanait du Sheikh Al-Azhar auparavant qui s'appelait Mahmoud Shaltout. هذا محمد الغزالي durant sa vie رحمه الله محمد الغزالي pas l'ancien هذا il est mort il y a 3 ou 4 ans محمد الغزالي un certain écrivain certain cheikh ديال الإخوة المسلمين il est un de leurs théoriciens hein il est une des têtes ديال الإخوة il dit dans son livre défense de l'aqida islamique contre les critiques des orientalistes il a dit un commun des musulmans est venu vers moi fâché et il m'a posé cette question. Pourquoi Cheikh Al-Azhar, Mahmoud Shaltout, a émis cette fatwa et a dit que la voie que Shia, c'est une voie islamique. C'est une école de jurisprudence islamique comme les autres écoles de jurisprudence connues. Fasma al-Al le kalam al-Ghazali. Fakultu, ay al-Ghazali, l'al-Rajul, ma ta'rifu an al-Shia. فسكت قليلا وقال ناس على غير ديننا فقلت له لكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم. فعجب الرجل وقال كيف هذا؟ قلت والأغرب أنهم يقرؤون القرآن ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحجون البيت الحرام. قال لقد بلغني أن لهم قرآنا آخر وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحرقوها. فنظرت إلى الرجل راثيا وقلت له أنت معذور، إن بعضنا يشيع عن البعض ما يحاول به هدمه وجرح كرامته. Maintenant écoute cette parole que cite Cheikh Najmi Hafidhahullah, des paroles de Mohamed Al-Ghazali. Al-Ghazali se tournait vers cet homme qui est venu le voir, il lui a dit qu'est-ce que tu connais des Shia? Et l'homme s'est tu. Et il lui a dit à un moment donné, il lui a dit ce sont des gens qui ne sont pas sur la même religion que nous. Et Al-Ghazali de lui dire mais moi je les ai vus prier, je les ai vus jeûner, je les ai vus prier comme on prie et jeûner comme on jeûne. Et l'homme s'est étonné. Il lui a dit comment ça? Et il lui a dit et le plus étrange c'est qu'ils lisent le Coran et que ils glorifient le prophète alayhi salatu salam et qu'ils font le pèlerinage. Et l'homme, le commun, dit à Mohamed Al-Ghazali mais il m'a été rapporté comme quoi le Coran, ils ont un autre Coran et qu'ils vont à la Kaaba pour la détruire et pour la brûler. Et Mohamed Al-Ghazali de dire j'ai regardé l'homme hein, et je lui dis tu es excusé car certains parmi nous propagent des choses pour critiquer certains et pour détruire les liens et pour critiquer l'honneur de certains. Ça c'est la parole d'une des grandes têtes d'Al-Ikhwan. Regardez comment il renvoie ce commun. Regardez ce commun, il connaît le fossé sur lequel est Shia mieux que cet intellectuel. Subhanallah. فالغزالي أباطيله كثيرة. فاقرأ كتب الشيخ العلامة الشيخ ربيع في نقد كتب هذا الرجل. فالرجل إخواني عقلاني معتزلي كان فيه بلاء عظيم. وكان يظن أنه هو الوحيد الذي يفهم الإسلام، ومشكلته العظمى أنه كان يحقد على السلفيين ويزدري بالدعوة السلفية ويستخفي بها ويستهزئ بالشباب المتمسك بالسنة، بل بلغ به الاستهزاء حتى بالحجاب، يقول عن المرأة المتحجبة إنها تخرج في سمت عفريت، أعوذ بالله، المرأة التي تغطي وجهها وتظهر عينيها. الغزالي ما يعجب هذا المظهر، فهو يريد من المرأة أن تسفر عن وجهها. ولذا لا تعجب عندما تسمع من الإخوان في فرنسا يقولون بدلة غراب، فهذا شيخهم انظر ما يقول، وهذا كلام خطير واستهزاء بحكم الله عز وجل وسخرية بالمؤمنين. الغزالي كي لند تدي الإخوان لند تيغويسين دي غروب سينوليتي سون نومبروز. Et ses erreurs sont énormes. S'il veut t'arrêter à sa liste qu'a écrit Cheikh Rabi' dans la critique du livre de cet homme. Al-Ghazali, c'est un Ikhwani fini. Et c'est quelqu'un de l'école de la raison. Et c'est un Mu'tazili. Et il a de grandes erreurs. Et il croyait, il était imbu de lui-même, et il croyait qu'il était le seul qui comprenait l'islam. Et son grand problème, c'est qu'il détestait, il avait une grande haine de la salafia et des salafis et des jeunes qui suivent la sunna. Il se moque des gens qui suivent la sunna, il se moque de la jeunesse qui se cramponne à la voix de leur puséeul. Sa moquerie est arrivée à ce qu'ils disent du hijab, une femme qui a le hijab, que c'est un ogre. Le Ghazali n'aime pas qu'une femme soit couverte, quoique un œil ou quelque chose, il ne veut pas. Il veut que la femme s'exhibe. Hein? C'est pour ça, ne t'étonne pas quand tu entends les poussins d'Al-Ikhwan en France dire hein, c'est quoi cette tenue de corbeau? Ils ont de qui le tenir. Leur tête écrivent ceci. Et malheureusement, ceci est traduit. Hein? Et ça, ce sont des paroles qui sont énormes chez Allah Azza wa Jal. Se moquer des croyants, se moquer du hijab, se moquer de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ceci est énorme chez Allah Azza wa Jal. في الغزال كسائر الذين يدافعون عن التقريب بين الرافضة والسنة ما يعرفون حقيقة الشيعة أو يتجاهلونها، كما أنهم لا يعرفون أو يتجاهلون أن الشيعة لا يصلون كما نصلي، ولا يصومون كما نصوم، ولا يحجون كما نحج، ولكن هذا الأمر ولله الحمد والمنة واضح عند السلفين بل عند صغارهم وعاجمهم، أما عند الغزال وأمثاله وأتباعهم فهم لا يعرفونه، فهؤلاء ما يحسنون إلا السخرية بالسلفيين والسلفية، وفي الوقت الذي يسخرون فيه بالسلفية والسلفيين إذا بهم مدافعون عن أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء صحابة رسول الله، الرافضة أخزاهم الله. انظر إلى هذا التناقض. الغزالي comme tous ceux qui défendent le fait de se rapprocher du Shia, ceux qui veulent le rapprochement entre les gens de la Sunna ne connaissent pas la réalité de Shia. Ou alors ils la connaissent, ils la mettent de côté. Et ils ne connaissent pas, ou alors ils ne savent pas, ou là ils savent, ils ferment les yeux comme quoi Shia, ils ne prient pas comme on prie, et qu'ils ne jeûnent pas comme on jeûne. Il ne faut pas le pèlerinage comme nous on le fait. Ils ont leurs particularités. Mais cette situation, il est clair chez les gens de la Sunna et chez les salafis. Même si les petits salafis, ceci est clair. Et c'est même les non-arabophones des salafis, ceci est clair. Quant à Ghazali et ceux qui sont sur la même voie que lui et leurs disciples, ils ne connaissent pas tout ça. Ils ne savent que se moquer de la salafia. Ils ne savent que se moquer de la Sunna et des salafis. Et au moment où ils se moquent de la Sunna et des salafis et de la salafia, ils défendent les ennemis d'Allah, ils défendent les ennemis de Mohammed alayhi salatu salam, ils défendent les ennemis des compagnons de Mohammed alayhi salatu salam, ils défendent Rafida, akhzahum Allah. Regarde cette contradiction. Ils se moquent de la Sunna et après, là, ils défendent les autres, ceux qui insultent Abu Bakr, Omar et Uthman. Ça, c'est l'ikhwan. Ainsi ils sont à l'islam. يقول الشيخ النجمي حفظه الله: قلت قاتل الله الهوى رجل عامي عرف أن الشيعة لهم دين غير ديننا وإن صلوا وصاموا وعقائد غير عقائدنا وإن أسدلوا عليها ستارا وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي هي من أصولهم التي هي من أصول عقائدهم وهو يحاول تغطية هذه العقائد وإنكارها أو بعضها. وقال عز الدين إبراهيم في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة بعد أن نقل عن الغزالي نقولا من كتبه تؤيد فكرة التقريب، فقال: ويصرح الغزالي للطليعة الإسلامية في عدد 26 مارس 85 ردا على سؤال وجه إليه حول دوره في جماعة التقريب، قال: نعم أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان لي عمل دؤوب ومتصل في دار التقريب بالقاهرة، وصادقت الشيخ محمد تقي القمي وهذا شيعي، كما صادقت محمد جواد مغنية هذا كذلك رحمه الله. ويقول هو: ولي أصدقاء من العلماء والكابر من علماء الشيعة، وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفوة والشقاق المر الذي شاع بين المسلمين. Et Cheikh Najmi de continuer sa critique et de nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala tue les passions. Un commun des musulmans, c'est la voie et la relie la fausse religion sur laquelle sont Shia. Même s'ils prient, même s'ils jeûnent, et ils connaissent leurs croyances, ils savent qu'ils ont des croyances qui ne sont pas les nôtres, même s'ils les cachent et ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils mettent en application ce qu'ils appellent taqiyya, c'est-à-dire mentir, le mensonge. Et taqiyya, ça fait partie de leur dogme. Et c'est un des fondements dans leur dogme. Et c'est le mensonge, taqiyya, il se rapproche avec d'Allah, Azza wa Jal. Et il dit, le Ghazali, lui, il essaie de cacher leurs erreurs dans les croyances. Il essaie de tout cacher, de mettre de côté. Et Azdin Ibrahim, dans son livre « Position des hommes de science vis-à-vis de Shia », après avoir cité les paroles d'Al Ghazali de ses livres, il ramène un autre écrit d'Al Ghazali une déclaration d'Al Ghazali qui approuve que l'homme cherche le rapprochement entre Shia et Al-Sunna. Et qu'il a cours, qu'il a fait tous les efforts qui étaient dans ses moyens. Et il dit dans ce qu'il a déclaré à Tali'a, qui est une revue islamique, du 26 mars 85, en réplique à une question qui lui a été posée, selon la question tourne autour de son rôle dans le rapprochement entre Shia et Sunna, il dit « Certes, je suis parmi ceux qui sont concernés par ce rapprochement. » Qui dit ça ? Ghazali. Celui qui est concerné par ce rapprochement entre les madahib islamiques, entre les voies islamiques et les écoles de jurisprudence islamique. Et mon œuvre était, j'œuvrais beaucoup dans ce sens-là. Et mon œuvre était constante. Et j'étais dans la maison d'Al-Qarib au Caire, la maison du rapprochement. Et j'avais comme ami Cheikh Mohamed Taqi Al-Qummi. C'est un chi'i, un cheikh chi'i. Comme ami il avait. Et comme j'avais comme ami Mohamed Jawad Mghniya, un autre cheikh chi'i, il leur fait, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte maison. C'est lui qui leur fait dua. Et il dit, j'ai des amis savants et parmi les nobles et les grands savants chiites. Et je veux réellement qu'il y ait que ce fossé n'existe plus entre eux, ce fossé qui est séparé et qui est propagé entre les musulmans, qu'il n'existe plus. Subhanallah. فانظر كيف تألف الغزالي الروافض وقارن بين موقفه منهم وموقفه من السلفيين تجد البون شاسعا فهو كان يتبسم في وجوه الروافض ويتألفهم ثم يكشر في وجوه السلفيين فعجيب أمر هذا الرجل فمن أحق بالابتسامة والتودد أهل السنة وأتباع السلف الصالح أم من يسب صحابة رسول الله وأمهات المؤمنين ومن يرد السنة فالسلفيون أولى بالتودد ولكن ماذا تريد ممن يحمل الحقد على السنة وأهلها فتأمل قوله أنا أريد أن تذهب هذه الفجوة والشقاق مع من؟ مع أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء صحابة رسول الله فهذا مستحيل يا غزالي فهذا كالذي يريد أن يمتطي الكوكب فلا يمكن أبدا اجتماع الحق والباطل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. Donc, regarde maintenant cette position d'Al-Ghazali. Comment il est doux. Il essaye d'amadouer Rafida. Et regarde sa position vis-à-vis des salafis et vis-à-vis des gens de la Sunna. Parce que c'est énorme. La différence est énorme. Comment ils traitent les salafis et comment ils traitent les gens de Rafida. Qui mérite qu'on lui sourie dans le visage? Les gens de la Sunna ou ceux qui insultent? Ou les ennemis d'Allah et les ennemis de son messager qui insultent les compagnons et les mères des croyants, les femmes du prophète alayhi salam? Qui mérite qu'on lui sourie et qu'on soit doux avec, qu'on cherche sa compagnie? Ceux qui font triompher la Sunna et qui aiment le prophète et qui le défendent et qui aiment les compagnons et les mères des croyantes, ou alors ceux qui les insultent et qui rejettent la Sunna? Mais qu'est-ce que tu veux de quelqu'un qui a la haine contre la Sunna? Et ceci, tu le sens dans ses écrits et dans ses livres. Regarde et médite cette phrase. Je veux que cette faille qu'il y a entre les gens, ils s'anéantissent. Cette faille qu'il y a entre les musulmans, je veux dire, pas là, la faille qu'il y a entre Sunna et Shia. Avec qui il veut que la faille n'existe plus? Avec les ennemis d'Allah, avec les ennemis de son messager, avec les ennemis du compagnon de Mohammed. Et ceci est impossible, ya Ghazali. C'est comme quelqu'un qui veut monter un astre, prendre un astre comme voiture. Impossible. Impossible que la vérité se rencontre avec le faux. Impossible que les deux contradictions puissent se rencontrer. Ici, comme il est dit dans un verset, si le haq, si la vérité suit leur passion, les cieux et la terre vont devenir mauvaises. ثم تابع صاحب الكتاب النقول عن أصحاب المنهج الإخواني أي عن كبارهم والمنظرين فيهم وممن نقل عنهم صبح الصالح والدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة والدكتور مصطفى الشكعة والشيخ حسن أيوب وحسن طرابي وفتح يكن والشيخ سعيد حوا والمفكر أنور الجندي والأستاذ سميح عاطف الزين والأستاذ صابر طعيمة والأستاذ علي سامي النشار والدكتور علي عبد الواحد وافي وزينب الغزالي والتلمساني ويوسف العظم والغنوشي، كل هؤلاء لهم مؤلفات، لهم مقالات ضمن مؤلفات أو إجابات على أسئلة يؤيدون فيها فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة، ويبرئون الشيعة أن تكون عندهم عقائد منحرفة توجب الكفر أو الفسق. Écoute maintenant ce que dit Cheikh Najmi Hafidhahullah ta'ala. Il dit, et l'auteur du livre qui a écrit Position des hommes de science vis-à-vis des hommes de science de la Sunna vis-à-vis des gens des Shia. Et cet écrivain de continuer de citer certaines paroles, mais que des écrivains et que des leaders d'El Ikhwal Muslimin, qui viennent de différentes régions. Il a cité des Maghrébins comme il a cité des Orientaux, des gens d'Orient. Et du Koweït et de l'Irak et de partout. Il cite ces citations de ces adeptes de la voie d'El-Ikhwan qui sont parmi les grandes têtes et les leaders à travers le monde d'El-Ikhwaniya. Et parmi ceux qu'il a cités, Subhi Salah et le docteur Abdelkrim Zaidan qui est irakien, Mohamed Abu Zahra ou le docteur Hada c'est un égyptien, ou le docteur Mustafa Shaka, ou le cheikh Hassan Ayoub, il était égyptien mais il vivait au Koweït, rahmatullah alayh, Hassan Tourabi qui était soudanais, Fethi Yakin, Hada il est très brisé par les frères musulmans d'Europe, il l'invite souvent, cheikh Saïd Houa qui était syrien, Moufakir Anwar Jundi, l'ustad Samih Atif Zin, l'ustad Sabir Taïma, l'ustad Ali Samin Nchar, le docteur Ali Abdelwahed, Wafi, Zainab Al-Ghazali, un égyptien, Telemsani, Youssef Al-Azm, ou le Ghannouchi qui est tunisien, et d'autres. Et il dit tout cela ont des écrits parmi leurs livres où là ils ont répondu à des questions dans lesquels ils approuvent le rapprochement entre les gens de la Sunna et Shia. Et ils sentent, les Shia, des faux dogmes qu'ils ont et de la voie déviée sur laquelle ils sont. Et les innocentent de la mécréance et de la perversité. ويقرنون كلهم أن الشيعة مسلمون كسائر المسلمون لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون وأن الخلاف بينهم بين السنة كالخلاف بين المذاهب ولما قام الخميني بثورته في إيران هب الإخوانيون يؤيدون فهذا يرسل برقية وهذا يدبج مقالا في الصحف وهذا ينظم مسيرة تظاهر تؤيد الخميني لأنه هو الإمام الحق ودولته هي الدولة المؤمنة وحدها دون غيرها واسمع إلى يوسف العظم إذ يقول يا بالخميني زعيما وإمام هذا صرح الظلم لا يخشى الحمام قد منحناه وشاحا ووسام ما دم من دمائنا ومضينا للأمام ندمر الشرك ونحتاج ونجتاح الظلام يعود الكون نورا وسلام. Et tout ce qu'il a cité Cheikh Hafidhahullah Ta'ala en prenant dans l'écrit de cet écrivain qui a écrit ses livres Position des hommes de des savants des musulmans vis-à-vis d'El Shia, il dit que tous ces écrivains qu'il a cités parmi l'Ikhwan et parmi le Shuyukh d'El Ikhwan, les théoriciens de la voie d'El Ikhwan approuvent que Shia ce sont des musulmans comme tous les autres musulmans parce qu'ils disent la ilaha illallah, parce qu'ils prient, parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils font le pèlerinage, et que la différence entre les gens de la Sunna et Shia c'est comme la différence qu'il y a entre les autres écoles de jurisprudence, comme la différence qu'il peut y avoir entre l'imam, la voie de l'imam Malik, le Malikiya et le Hanbaliya et autres. Et la grande catastrophe c'est quand le Khomeini a pris le pouvoir après sa révolution soi-disant islamique, qui est une révolution plutôt rafidite en Iran, l'Ikhwan, ils ont envoyé des délégations, ils ont envoyé des télégrammes, ils ont écrit dans les journaux, etc., pour faire l'éloge d'Al Khomeini et de sa révolution. Et ils ont appelé à des manifestations à travers le monde musulman, et à travers l'Europe, et à travers partout, pour prouver leur alliance avec le Khomeini. Et écoute Yusuf Al-Azm, l'un de leurs poètes qui dit avec le Khomeini comme leader, la citadelle de l'injustice s'est cassée. Et nous avons offert Al-Khomeini, comment vous appelez ça, une légion là, pas une médaille de notre sang. Et nous allons avec vers l'avant. Avec lui, nous allons détruire l'associationnisme et traverser les ténèbres pour que revienne la lumière de l'islam. Maintenant, écoute la critique d'El Cheikh Najmi, Hafidhallah Ta'ala. Fasma, les taqibat Cheikh Najmi, Hafidhallah. فقبل هذا كل الأسماء التي ذكرها الشيخ النجمي حفظه كله من أهل الإبداع والأهواء والانحراف الأكبر والضال الكبير بينهم هو حسن الترابي. Tous les noms que tu as entendus font partie de la liste des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion. Mais le plus égaré parmi eux, c'est Hassan Turabi. C'est la plus grande des catastrophes. Et Hassan Turabi, quand il a eu sa République islamique au Soudan, la même chose, l'Ikhwan, il faisait leur léloge. Et c'est la plus grande des catastrophes. Parce qu'il appelle, la voie à laquelle il appelle, c'est la plus dangereuse. Il faut repenser l'islam, il faut repenser l'interprétation du Coran, il faut repenser ceci, il faut. À tel point, il dit que sur le hadith d'Yad Dhubab, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous avez une mouche qui est tombée dans votre verre, poussez-la dedans. Hein? Il dit ça à moi, ce hadith ne rentre pas dans ma tête. Il faut que ça me soit prouvé par un médecin occidental. Ton prophète, alayhi salatu salam, il te dit ceci, il te dit, il faut que ça me soit prouvé par un médecin occidental. Subhanallah. À ce point-là, il est arrivé. Fayqou le Cheikh Najmi. فانظر أخي إلى هذا العمى وهذه الرعونة أي شرك دمره الخميني والشرك عند الشيعة قد باض وفرق. Et Cheikh Najmi, pour critiquer cette poésie de Yusuf al-Azam dans laquelle il dit nous allons détruire l'associationnisme, il dit regarde à ce grand aveuglement, hein? Et regarde, c'est quoi, quel associationnisme le Khomeini a détruit, alors que chez Shia l'associationnisme, il a fait ses poussins. Il a fait les œufs et les poussins en même temps. وَيُّ شِرْكٍ دَمَّرَهُ الْإِخْوَانُ وَهُمْ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ رَاضُونَ بِهِ وَمُقِرُّونَ لَهُ بَلْ وَاقِعُونَ فِيهِ. Et c'est quoi comme associationnisme que détruisent les frères musulmans, hein? Alors que ceux, ils approuvent l'associationnisme. Ils sont, certains parmi eux, sont dans l'associationnisme. Ils sont dedans, hein? والعجيب من أمرهم أنهم يبغضون الدولة السعودية دولة التوحيد التي قامت عليه من أول يومها وهي الدولة الوحيدة التي تدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وكلياتها ولا توجد بها قبور ولا أضرحة ولا مشاهد يرتادها المشركون ويأتون إليها من كل مكان يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله ويحبون دولة الشرك والكفر والإلحاد ويجعلونها هي الدولة المسلمة الوحيدة. يقول جابر بن رزق في مقال في مجلة الاعتصام وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. بمن يصفها؟ يصف الإيران. فهذا في الحرب التي كانت بين صدام وإيران. سبحان الله. الشيخ دو نوديغ حفظه الله تعالى. Et la chose la plus extraordinaire, c'est les frères musulmans. Ils détestent le pays du monothéisme par excellence, qui est l'Arabie Saoudite. Pays où il a été construit dès le départ sur le monothéisme, où il n'y a pas un mausolée, où il n'y a pas un emblème de l'associationnisme, n'existe pas en Arabie Saoudite. Et eux, ils le détestent. Alors quand tu vas dans les pays où il y a les frères musulmans, tu as des mausolées partout. Tu as même les têtes d'El Ikhwan, ils font des conférences dans des lieux où il y a des mausolées. Ils ne blâment pas l'associationnisme. Ils ne lèvent pas, ils ne peuvent pas, ils ne le font pas. Ils ne lèvent pas la langue pour blâmer l'associationnisme. Hein? Comme l'ont fait Les grands parmi eux, Hassan al-Banna, fait des conférences dans des lieux où il y a des tombes autour desquelles on tourne. Et les plus grands leaders d'Al Ikhwa al-Muslim font de même depuis l'aube de ce groupe. Hein. Et ils n'ont d'autre ennemi que ce pays du monothéisme, dans lequel on enseigne le monothéisme depuis à bas âge, dans les universités, dans les maternités, dans, comment on les appelle là où l'on voit les enfants jouer, les crèches, dans les crèches, les maternités, les lycées, les collèges, le primaire, etc. Hein? Et le pays où il n'y a pas un mausolée, il n'y a rien qui s'adore en dehors de l'Allah, tu n'as pas une tombe autour de laquelle quelqu'un tombe. Et écoutez Jabir ibn Rizq, maintenant un des Ikhwan, qu'est-ce qu'il va dire? Au moment où la guerre va éclater entre eux, les ronds et l'Irak, à l'époque de Saddam. Il dit, regardez maintenant ce qu'il dit. Ils insultent l'Arabie Saoudite, le pays du monothéisme, regardez maintenant. Et Saddam a oublié qu'il va combattre un peuple, c'est-à-dire les Iraniens, qui est quatre fois plus que le peuple irakien. Et il dit, ça c'est le seul peuple musulman qui était capable de se révolter contre l'impérialisme et contre les croisés et contre les juifs. De qui il parle? De l'Iran et des Iraniens, de Rawafid. Regardez comment. Et en contrepartie, regardez comment il traite le seul pays dans lequel il n'y a pas de tombe. Si tu vas voir, fais le tour du monde musulman. Va voir. En Arabie Saoudite, tu ne trouveras pas de tombe. فيوسف العظم هذا الذي مر معنا شعره من شعراء الإخوان تأمل كلامه يريد أن يدمر الشرك بالخميني ويريد أن ينشر السلام والنور بالخميني عظم الله أجرنا فيكم يا إخوان لا يوسف العظم دون بويزي كي يباسي كيس كي يقوله يقوله زعما يتخوير الاسوسياسيونيزم avec الخميني il veut propager la lumière de l'islam avec le Khomeini. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous console sur les frères musulmans. وانظر ماذا يفعل الرافضة الآن في إخواننا السنيين في العراق في لبنان. ماذا يفعل حزب الله بالإخوان بالسنيين في لبنان؟ ومع ذلك لا زال هؤلاء يدعون إلى التقريب. وهذا كذلك فعل القرضاوي اي رغاد مانتنو كيس كيل فون الرافضه دو نو فرير سنيت اون ايراك كيس كيل فون دو نو فرير سنيت اون ايران كو في حزب اللات دو نو فرير سنيت او ليبون اي مالغري تو سا لي تيت ديال الاخوان اي لو تيت القرضاوي كونتينيو ابلي فير لو رابروشمون اونتر لي شييت اي لي سنيت الله سبحانه وتعالى نو بريزيرف ويقول النظام الدولي للإخوان ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان في كل مكان وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن العشرين ليثبت حكم الله ليثبت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية الله المستعان. Écoutez maintenant. هذا l'organisation mondiale des Ikhwan. L'organisation mondiale. Ça ne concerne pas un pays, l'organisation mondiale des Ikhwan. Il dit, si la situation ne concernait que l'Iran, il aurait accepté une solution du milieu. Mais la situation concerne les peuples musulmans et concerne l'islam en tout lieu. Et que l'islam est devenu une amanade chez qui? Chez les Iraniens. À l'époque, il y a eu la guerre entre eux et Saddam. L'islam est une amanade dont, chez les Iraniens, le seul pays musulman. Le seul pays qui juge avec l'islam. Le seul pays qui a imposé par le sang de son peuple au XXe siècle le fait de juger avec les lois d'Allah Azzawajal, que les lois d'Allah Azzawajal soient au-dessus de l'impérialisme et du sionisme, etc. etc. Hein? Ah, c'est la parole de qui? la parole de l'organisation internationale des Ikhwan qui parle ainsi. فانظر ولكن سبياك من كتلة فيكم ولكن أسقط في أيدي الإخوان المفلسون عام 1407 للهجرة لما بعث الخميني أتباعه إلى مكة وفعلوا فيها الأفاعي الشنيعة من قتل وسفك للدماء وبطش في حرم الله وكان أن صورت هذه المظاهر وبثت في العالم وافتضح الخميني فضيحة كبرى. Mais ce qui est arrivé à l'Ikhwan, ils ont reçu une claque. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas pris la leçon. En 1407 de l'Hégire, on est en 1429, quand le Khomeini a envoyé une délégation à la Mecque pendant un pèlerinage, et qu'ils ont fait les mauvais actes qu'ils ont fait à la Mecque. Ils ont tué, ils ont fait couler le sang dans le pays d'Al Haram au moment sacré, pendant le mois sacré. Hein? Mais malheureusement, tout ceci a été filmé et il a été, et le monde entier l'a vu. Et les gens se sont rendus compte, le commun s'est rendu compte de l'énormité de l'Khomeini et de la voix d'Al Khomeini. Malgré tout ça, les Khwalis Muslimin Huma, ils ferment les yeux. وأصدرت رابطة العالم الإسلامي قرارا نددت فيه بالخميني وقالت فيه إنه إمام ضلالة فأقحم الإخوان المفلسون الذين كانوا يبجلون إمام الضلالة الخميني. Et l'Union islamique mondiale a décrété une fatwa comme quoi l'imam al-Khomeini c'est un imam de l'égarement. Et là l'Ikhwan ils ont reçu une claque, alors que pour eux l'Khomeini c'est le grand imam, le sauveur de la communauté. L'aïdan billah. أين ذهبت عقولكم لمن بعتموها كيف تبجلون من يسب صحابة رسول الله ويجعل ذلك دينا يتقرب به إلى الله عز وجل. Où sont partis vos raisons, vous l'Ikhwan, quand vous glorifiez quelqu'un qui insulte, et vous honorez quelqu'un qui insulte les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, et qui fait que le fait d'insulter les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, c'est sa religion, il se rapproche avec ça d'Allah azza wa jal. Et le Khomeini écrit dans ses livres, il faut que tu insultes les deux statues de Quraysh. Les deux statues de Quraysh, ce sont Abu Bakr et Omar. C'est un ordre qu'il donne. Sobbu salama Quraysh, Abu Bakr et Omar. Hakada yaktubu le Khomeini. وهكذا الإخوان يتلونون. فعندما كان صدام يحارب مع الخميني وقفوا ضد من؟ ضد صدام ووقفوا مع الخميني. كانوا ضد صدام ووقفوا مع الخميني. ولما انقلب صدام على دول الخليج بما فيها السعودية وقفوا مع من؟ مع صدام. وهؤلاء كذلك البويا يتلونون. وقالوا حينها المؤمن عن صدام المؤمن البطل المجاهد وأرادوا الجهاد معه يتلونون كجلد الحية عندما تبدل كما قال أحمد شوقي تبدل كل آونة إيهابا. فهذا حال الإخوان المفلسين يبدلون مواقفهم بحسب المصالح فالله المستعان. Donc les Ikhwan, ils sont comme les caméléons, ils changent de couleur. Là où tu le mets, ils prennent la couleur du lieu. Comme ça ils sont. Quand il y a eu la guerre entre Saddam et le Khomeini, ils se sont mis avec le Khomeini. Contre qui? Contre Saddam. Quand Saddam a pris les armes contre les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite, ils se sont mis avec qui? Il était leur ennemi hier. Et au moment où il a pris les armes contre l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, ils sont avec lui. Et il commence à dire le croyant, le combattant, le héros, etc. Ainsi ils sont. Ils sont comme des caméléons. Les intérêts. Là oui. Et avec le plus fort. Et Vazinta. Ils n'arrêtent pas ainsi. Et ils songent de peau comme la vipère. La vipère change de peau. Ainsi ils font. Ils la jettent. Ils remettent une autre. Ça, c'est l'Ikhwan. Et c'est la devise de l'Ikhwan. Se colorer avec les lieux et prendre des positions par rapport à l'intérêt, etc. Non pas par rapport au monothéisme, non pas par rapport à la défense de Mohammed alayhi salam, non pas par rapport à la voix du puiseur, non pas par rapport aux intérêts et à la politique. Ce sont des démagogues de première classe. Regarde, Tariq Ramadan, comment il a traité Sarkozy, le président de France. Des démagogues. Et être démagogue, c'est la plus grande caractéristique du politicien. Et les Khouani, ils font plus de la politique que défendre la religion de l'Allah. Tu prends la tête des Khouani, c'est la tête des musulmans du Nord maintenant. Celui qui a la tête. Hein? Le recteur de la mosquée de l'île Sud. Ouais. Il a dit à un de nos frères, dans la mosquée de Mohammed alayhi salam, que Dawa, c'est du marketing. Subhanallah. Le marketing, c'est voler, apprendre comment voler les gens et faire dépenser les gens. Dawa, ce n'est pas apprendre, ce n'est pas voler les gens, ce n'est pas mettre la main dans la poche des gens. Ainsi, adoucir, desserter, utiliser les mots, appâter les gens et les intérêts et la politique. فَمَا مَعْنَا التَّقْرِيبِ عِنْدَ الْإِخْوَانِ هو الجمع بين المتناقضات وهذا مستحيل لأن التقريب بين الحق والباطل مستحيل والمقصود عندهم والله تعالى أعلى وأعلم فيما يظهر أن يتنازل السنة عن شيء ويتنازل الرافضة عن شيء فهذا مذهب أهل الشرك ودوا لو تدهنون فيدهنون إذا تنازلوا نحن نتنازل ثم أنتم سيكوا لو rapprochement chez الإخوان c'est réunir entre les contradictions ceci est impossible. Tu ne peux pas rapprocher le faux et le vrai. Tu ne peux pas les réunir, c'est impossible. Et Cheikh Al-Juhayni de dire, Abdallah Ta'ala, que le but des Ikhwan et sallallahu subhanahu wa ta'ala, c'est, dans ce qui lui apparaît, c'est que les gens de la Sunna délaissent certains de leurs positions, hein, et certains de leurs dogmes, et que les gens de Rafida délaissent certains de leurs positions et certains de leurs croyances pour se rencontrer. Et ça, c'est la voie des associateurs. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits ainsi. Hadou il délaisse un petit peu, Hadou il délaisse un petit peu pour qu'ils se contentent les uns les autres. Et ça c'est impossible. Ou hal yumkinu li sunni an yatanazal an aqidati. Hada mustahil. Ou hal yumkinu li sunni an yuqaddim aliyan ala Abi Bakr wa Umar. Hada mustahil. فالتقريب معناه أن يتنازل السني عن منهجه وهل يمكن للسني السلفي أن يحمل في أن يجامل في منهجه وحتى الصلاة وراء الرافضي فهي باطلة والذي يسعى في التقريب بين الشيعة والسنة يلحق بأهل الأهواء والبدع ولا كرامة. Est-ce que maintenant il appartient aux sunnis ou aux salafis de mettre de côté certains points de son dogme et de ses croyances? Ceci est impossible. Est-ce que il appartient aux sunnis, hein, de mettre Ali en avant par rapport à Abu Bakr et à Omar? Ceci est impossible. Car le fait, le rapprochement entre sunna et shia, c'est que les sunnites laissent de côté leur voix. Et ce qu'il appartient aux sunnis salafis de négliger sa voix et de laisser des choses de sa voix. Même la prière, c'est rafidé. Il est nul et non avenante. Et celui maintenant qui cherche et qui accourt, qui œuvre pour le rapprochement entre rafida et shia, entre rafida et sunna, Hada, tu peux l'attribuer aux gens qui suivent leur passion et les innovations. Il fait partie d'eux, des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion. Fandur kayfa tajahala. Maintenant, on revient à kalam al-Sheikh al-Najmi Hafdallah. Fandur kayfa tajahala al-Hukuma al-Saoudia. Wa lam ya'tabirha dawlata al-Muslima. Wa hasara al-Islam fi dawlata Iran. Wa al-A'jabu min dhalik an ahl al-Manhaj al-Ikhwani yad'una annahum salafiyun. وهم مع ذلك يخصون المذهب السلفي بالعداء ويتعاطفون مع أصحاب المذاهب المنحرفة كما ترى وكما سيأتي. هو قاعد من الشيخ النجم حفظه الله تعالى. Comment ils ont ignoré l'État saoudien? Ils n'ont pas considéré comme un pays musulman. Ils n'ont pas considéré. Ils ont considéré seuls les rangs comme musulmans. Donc, hein? Et l'État saoudien qui accomplit le monothéisme, qui fait da'wah, ils l'ont ignoré complètement. Ils ont tout simplement désigné comme musulmans l'état de l'Iran. Et le plus extraordinaire dans la voix de l'Ikhwan, c'est qu'ils prétendent qu'ils sont salafis. Et avec ça, ils sont les plus grands ennemis de la voix de l'Salaf. Et ils font la guerre aux salafis, et ils s'allient, et ils sont doux, et ils sont compatissants avec tous les égarés. Comme tu vas le voir par la suite. ثالثا سياسة التجميع التي يجمعون فيها بين أصحاب العقائد المختلفة، فهذا سني وهذا شيعي وهذا جهمي وهذا أشعري وهذا وتني وغير ذلك، يدل على عدم الولاء والبراء عندهم. وسي لو ترويزيام بوان كي بروف كوم كوا لو بوان ايسونسييل كي لاليونس ديزافو كي تي ان بوان ايسونسييل دون الدوغم نيكزيست با سي الاخوان المسلمين. سي كو لا بوليتيك دو راسامبلومون كي فون ايل ريونيس دون لور جروب تو toute forme de croyance, il est dans leur groupe. Hein? Tu trouves le sunni, tu trouves le shi'i, tu trouves le jahmi, qui ne reconnaît pas les attributs d'Allah Azza wa Jal. Hein? Tu trouves l'ash'ari, qui dépouille les attributs d'Allah Azza wa Jal de leur sens. Hein? Tu trouves celui qui adore les tombes et autres. Cela te prouve que l'alliance et le désaveu n'existent pas chez l'ikhwan. Et هذا Ahmed Sallam ينتقدهم، ويأتي الشيخ النجمي بكلامه يقول سلام في نظرات في مناجي الإخوان: وقد استمرت الدعوة على خط البناء على خط البناء في إعطاء الحركة أهمية أو لا، بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في درجة ثالثة أو رابعة وبحجم متواضع. وأما قضية التمييز على أساس العقيدة فهي غير واردة أصلا في مخطط الجماعة، فمنذ من الأيام الأولى كان التركيز متجها إلى المعاني الإسلامية العامة، فترى الجماعة تضم صفوفها في صفوفها خليطا لا لون له ولا منهج لا أصول البنة العشرين، فهي التي تشكل المنطلق النظري للجماعة. الشيخ va nous citer une parole d'Ahmed Sallam qui il a écrit un livre dans la critique de l'Ikhwan. Et ça vision sur la voie d'El Ikhwan, il s'appelle le livre en arabe. Il dit la da'wa, c'est-à-dire la da'wa d'El Ikhwan a pris une ligne. Il a donné au mouvement un truc important, hein, c'est-à-dire de bouger dans la da'wa, un truc important. Mais il ne s'est pas occupé du dogme et des croyances. Ils ont acculé le fait d'authentifier les dogmes, etc., croyance à la troisième ou là à la quatrième position, ou alors il le faisait modestement. Hein? Quant à la particularité dans le dogme, ceci n'existe pas chez l'Ikhwan et ça n'a pas sa place dans les fondements de ce groupe et dans la stratégie de ce groupe. Depuis le début, le point le plus fort chez l'Ikhwan s'est orienté vers réunir les gens, n'importe quelle soit leur couleur, leur croyance, etc. Et tout est basé sur quoi? Tout est concentré sur les 20 fondements qu'avait instauré Hassan al-Banna, qui est le point de départ pour le groupe de l'Ikhwan. Fahada, Ahmed Sallam, minhum, kana minhum. Lakin, allaka taqoul, limada yati sheikh al-Najmi bi kalame, hatta yubayilana anna الإخوان انتقدوا حتى ممن كانوا معهم ومن المؤلفين الذين كانوا معهم. هذا أحمد سلام il était avec eux comme dit الشيخ الجهني حفظه الله تعالى. Mais maintenant pourquoi الشيخ النجمي nous ramène cette parole de Ahmed Sallam? Parce qu'il était avec eux, il les critique. Ça veut dire ce que là te montre que ce n'est pas tout simplement les salafis, les gens de la sunna qui critiquent l'Ikhwan, qu'il y a parmi eux des gens qui les ont critiqués, comme on l'a vu avec Mohamed Sorour hier, hein, à dimanche. Il y a certains qui étaient parmi eux et qui critiquent et qui montrent les erreurs dans le dogme et dans la voie sur laquelle sont les Ikhwan. وفي أحمد سلام يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في مقدمة كتبها على كتاب أبو النور الكردي تحذير الأنام من أخطاء أحمد سلام، يقول الشيخ عبيد: وقوع أحمد سلام الشامي المقيم بهولندا في شراك عدنان وأنه سالك سبيله فكلا الرجلين يغترف من بحر سيد قطب الفاسد الكدر والمشحون بالانحراف المتنكب لمنهج السلف الصالح منهج الفرقة الناجية الطائفة المنصورة على السنة والجماعة، فكلا الرجلين ضال مضل يجب الحذر منه والابتعاد عنه. من تنوش تسيت قول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى كلا يكري dans l'introduction d'un des livres qui critique et qui ramène les erreurs d'Ahmed Sallam. Ce livre s'appelle C'est un Kurdi, un Kurde qui a écrit ce livre, un avertissement des gens pour, en ce qui concerne les erreurs de Hamid Sallam. Cheikh Obaid Hafidallahu Ta'ala dit, Hamid Sallam du Cham, qui réside en Hollande, parce qu'il est en Hollande, il est tombé dans le filet d'Adnan. Adnan Al-Aur, lui aussi c'est le Qutbiya, etc. C'est un petit peu le même chemin. Il dit, il suit la même voie qu'Adnan Al-Aur. Les deux hommes s'abreuvent de la voie de Sayyid Qutb. Cette voie qui est fausse. Cette voie qui est différente de la voie du puiseur d'Allah alayhim. Cette voie qui n'est pas la voie de la fraction victorieuse et la fraction sauvée. La voie qui n'est pas la voie des gens de la Sunna ou le Jama'a. Il dit ces deux hommes sont des égareurs. Qu'il faut faire très attention à eux. Qu'il faut s'éloigner d'eux. À savoir Adnan Aror et Ahmed Sallam. Et nous allons arrêter là avec ça aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.